ton corps et tu souhaites accomplir la volonté de Dieu par le mariage, yes, yes. Comment penses-tu que l'homme de ta vie aimerait se retrouver devant une femme où mille autres hommes peuvent dessiner? C'est un scandale. Yes, yes. Oh. Yes, yes. Yes, yes. Le dos dehors, les seins dehors, yes, yes. Les cuisses dehors, yes, yes. Le nombril dehors, yes, yes. Pourtant c'est les parties du corps que Dieu t'a donné pour séduire ton homme et pour bien le garder. Ayombade, le viasse viasse si a fini tout le monde. C'est pas vrai. Oh le papa du Nino. Simane et Yadou. Il ne te promet d'ailleurs, mais y'a mané vivo. Adjou benda mané assis, même adjou nana joué papa. Adjou mayanda ma caméra, ma adjou nana joué papa. Belumbu ya Vincent et papa. Il tire sur tout ce qui bouge. Maman benga dinga ben femme. Maman ya Vincent et papa. On appelle ça semi-remorque. Azambe za volobo. Na vivo de Nine papa. Aïe aïe aïe. Ja amenda mazambe te la mouaye. Pour ne me bobe papa.